Bonjour à tous les bonitos et salut Émir et David. C'est avec grand plaisir que l'on se retrouve aujourd'hui pour reprendre le fil de votre podcast Jogging Bonito. Alors oui, dans Jogging Bonito, on parle de course à pied, mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous détaille en long, en large et en travers le test produit du dernier gadget à la mode, ou qu'on vous livre le plan d'entraînement qui vous permettra de courir le marathon en 2 heures, garantie satisfait ou remboursé. Nope, pas de ça chez nous. Notre ambition, c'est de discuter, échanger, réfléchir et vous faire réfléchir sur la pratique de la course à pied, certes, mais pas que. En partant de constats liés à notre sport préféré, nous nous interrogeons, toujours avec humour et second degré, sur ce que cela dit de nous, de notre société et de nos valeurs. Et oui, courir, ça en dit long sur nous. Et maintenant, préparez-vous, même si vous n'êtes pas sans avoir remarqué que la pause estivale s'est prolongée par ici, la rentrée va se faire sur les chapeaux de roue. Émir et David, vous m'avez manqué les gars, ça va ? Hello, salut. De gros plans, allez. Moi j'attendais que David y parte, tu vois, au quart de tour. Moi j'attendais David. Moi j'étais parti sur les chapeaux de roue, mais il y avait que moi, génial. Quoi. Mais oui, ça va très très bien, on est heureux d'être là. Moi j'attendais... bah oui, c'est l'éclate. En plus, le marathon, le record du monde du marathon a été battu depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, bien sûr, par un homme, un surhomme, du nom de Eliud. Eliud, de son prénom. Kipchoge. J'attendais le... j'attendais le nom de famille. C'est quoi le chrono? C'est quoi 2h01 et combien de secondes? 38, non? Ça doit être 38, 32, je pense. 38? Non, 38. Un peu de respect, je sais pas, les gars, vous en êtes où? On est nuls, franchement, quoi. Jogging Bonito, on sait même pas. 39. 2h01:39. Ah, 01:39, ok. Cool. Bon, moi, vous m'avez manqué modérément. Relativement, Ça fait dire. Plaisir, quoi. Merci. Ouais. Bah, bravo, voilà. Ouais, très bien. Donc, c'est déjà ça, hein, quand même. Ouais. C'est un début. Hein. Ça fait que 2 ans, finalement, qu'on... pas encore, qu'on travaille ensemble. Peut-être que dans 10 ans, on te manquera vraiment, c'est pas grave. Voilà, n'allons pas trop vite. Faut pas que ça aille trop vite entre nous. Et vous avez vu, là, de l'interdiction des portes d'ossard, des ceintures portes d'ossard par la FFA. Ouais, c'est bien. Ils ont que ça à faire, les pauvres gars. Ces interdictions, au final, parce que l'interdiction des écouteurs, elle est passée ou pas, en fait, finalement? Ah, il y avait ça aussi, ouais. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'on sent que, tu sais, ça fait du bruit et tout, mais en réalité, on s'en fout, j'ai l'impression. En fait, dans les règlements, t'as souvent la mention « les écouteurs sont tolérés à tes risques et périls », quoi. Tu vois, sous ta responsabilité. Mm-hmm. Bon, en fait, la FFA, ils font comme Macron, quoi. Ils envoient des annonces, là, pof, de ouf, juste pour faire parler, et après, ils font rien, quoi, derrière. Ah bah écoute, ce clash gratos au président de la République. Je suis d'accord. Votez Mélenchon, voilà. Grave. Mais en fait, on gueule tous et tout sur ces trucs, mais en réalité, je crois qu'on s'en fout complètement. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai absolument pas prévu, ni court, ni moyen, ni long terme, de me passer de la ceinture porte d'ossard que j'utilise aujourd'hui. Et j'ai pas l'impression que je vais débarquer demain dans une course où, quand j'aurai pas d'épingle, il y a un mec qui va me dire sors de là. Stop. Enfin, je veux dire, si ça arrive, je serais choqué. Même si. Je serais choqué de ouf. Je fais arrête, je finis ma course, laisse-moi tranquille, tu vois. Après, s'il me dit, je te classe pas, pardon, on va y arriver. Je dirais, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu crois que je suis là pour le classement? Mais peut-être tu vas avoir des vigiles et tout, comme au Marathon de Paris, on ne sait pas. Hein, ah, carrément, tu crois qu'on en a? Ah, là, et écoute, je sais rien. Je pense que le prochain Marathon de Paris, il faut le viser en 6h30 et avec ceinture porte de ça. Et écouteurs. Et écouteurs. Et de la zic. Ouais. Tu vas faire quoi? Oh là, vas-y. Franchement, là, je pense qu'on redémarre, on file un mauvais coton sur ça va pas du tout. De la rentrée. On devait recommencer clean, tu vois, bien sérieux, et puis voilà. Déjà, on part en cacahuète. Bon, quand même, avant de commencer l'épisode, moi, j'aimerais savoir comment s'est passé votre été. Et, est-ce que si vous avez une chose à retenir de votre été, liée à la course à pied ou pas, d'ailleurs, qu'est-ce que ce serait ? Excuse-moi, mais ce qu'il faut retenir de cet été, c'est que Kylian, il s'est fait piquer par une guêpe et il n'a pas pu finir l'UTMB. C'est à cause de ça que j'avais pas regardé. C'est quand même quelque chose à retenir de cet été, hein. Excuse-moi. Oh, pauvre Kylian, quoi. C'est quand même la première chose à dire. Bah oui. Bah, voilà, et de ton été à toi, tu retiens quoi ? Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai fini l'UTMB et Kylian, non, quoi. Ouais, c'est vrai en plus, quoi. Trop fort, c'est ça, quoi. Que je retiens. Ouais, c'est pas mal. Hein. Déjà. Pourtant, il avait une sacrée avance. Il avait une sacrée avance. Mais on s'en fiche de ça. Il a pas fini, lui, au final. Hein. Ah, bah, donc, c'est ça. C'est ça. Et le gars, il pouvait partir à moitié. Hein. Je peux partir comme une ouf. Mmh. Et puis après, si je finis pas, voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, bravo, Emirette. Bravo, Emir. Et Carole aussi, parce que vous l'avez fini. Tout à fait. C'est vrai. Après, petite revanche de 2016, donc voilà le fait marquant. Les barrières, on leur dit, on va pas dire, mais voilà quoi. Vous les avez passées. Vous aviez une marge par rapport aux barrières cette année ? Ouais. Enfin, large, ça dépend ce que tu appelles large, mais il n'y avait pas de problème pour les passer. On était toujours avec des gens, des bons pelotons, on va dire, des pelotons où tu t'inquiètes pas vraiment. C'est pas des pelotons de 3 personnes qui marchent comme des zombies, c'est-à-dire le format de peloton dans lequel on était en 2016, hein, finalement, ouais. quand on est tombé dans les barrières. Bah là, c'était toujours des pelotons à peu près consistants où les gens savaient où ils en étaient. Il n'y avait pas d'inquiétude particulière de ce côté-là. En fait, c'est con, mais fallait juste le savoir, quoi. Et là, on a été prudent et puis voilà, c'est tout. Super. En tout cas, bravo à toi. Nous, on a suivi ça avec David. Avec grand intérêt, n'est-ce pas, David ? Relativement, ouais. Si. Oh, allez, arrête ! Il fait sa mauvaise tête, là, ce soir. Bon, et toi, ton été, David, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu retiens de ton été ? Mon été, tout va bien. Très peu de courses à pied, là, on reprend tout doucement. J'ai beaucoup discuté avec des bonitos. Ah, c'est chouette. Bon, bonjour à tous les bonitos. J'espère qu'ils ont aussi passé un bon été. Mm-hmm. Et voilà, c'était très calme de mon côté. Ok, bon ben, on est prêt alors ? C'est parti pour l'épisode 1. On est chaud là, allez, il faut y aller. C'est parti, épisode 19 de Jogging Bonito. Jingle. On reprend donc du service avec les deux chroniques suivantes, Trail versus Bitume, et vous pouvez me liquider, je vous ai trahi. Alors, vous l'aurez deviné sans peine, je pense. La première chronique, c'est celle d'Emir. Donc, ça va être à toi, Emir. C'est moi qui commence. Ouais, c'est toi qui commence. Et tu sais quoi ? Tu vas voir, le mot que tu as utilisé dans le titre, il apparaît même pas une fois dans la chronique. J'ai réussi à l'éviter de toute la chronique. Tu vois. Et vous allez comprendre. Ok. Ouais. Les trails et le bitume, deux écoles, deux pratiques, des puristes des deux côtés et des trublions qui sautent de l'un à l'autre sans aucune autre forme de procès. Emir fait partie de cela. Peut-on vraiment comparer ces deux formes de course à pied ? Comment ? Est-ce finalement une seule et même pratique ? Emir va nous faire part de son analyse. Sur le plan sportif, mon année, je dirais que c'est pas mal passé du tout. Elle a été très chargée avec de bons gros temps forts et presque pas de déceptions majeures. Pour ceux qui me suivent sur Lapin Runner, vous savez probablement que depuis quelques années, je suis plutôt à la recherche de grands voyages, c'est-à-dire de grandes distances et de paysages... paysage grandiose en quelque sorte. Ça fait maintenant quelques années que la vitesse m'intéresse plus tellement et que j'évalue plutôt mes réussites sur ma capacité à terminer des épreuves de type ultra. En gros, très clairement, je me satisfais dans la vie d'être un de ces bons vieux finishers. Donc pour les nommer, mes temps forts de cette année, ce sont les suivants. On a l'ultra du Pas du Diable, avec 125 km et environ 6500 de dénivelé, plus positif et négatif, hein, jamais négliger le négatif. L'ultra du Mercantour, en juin, avec 145 km et environ 10 000 mètres de dénivelé positif, et je sais pas le négatif, puisque le départ n'est pas égal à l'arrivée sur cette course. L'ultramarin, en juillet, 177 km, hein, le fameux et pas grand chose de dénivelé, c'est plutôt plat. Et enfin, le fameux UTMB, le worldwidement connu, worldwidement, c'est un mot stylé ça, connu l'UTMB. Made in Emirates. Allez, français-anglais, je te fais un adverbe avec worldwide, moi. Et le fameux UTMB, bien sûr, avec il y a un peu plus d'un mois, donc c'était fin août, début septembre, avec ses 168 km et ses 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Donc une année vraiment rythmée par ces ultras, plutôt aussi chargée en marathon et autres courses de moins grande distance. Donc pour moi, ces autres courses autour des ultras, c'est un très bon moyen de baigner dans le monde du running tout en nécessitant une préparation et une logistique moins importante que celle des ultras. Quelque part, ça me fait du bien d'alterner des grosses courses avec grosse logistique et gros engagement mental et physique et des courses un petit peu plus petites, un petit peu plus reposantes en quelque sorte. Bref, c'était une année comme je les aime, et maintenant, après quelques années à faire taper mon corps à peu près sur tout et n'importe quel type de surface et à rouler ma bille sur le terrain du running, j'ai bien envie de vous faire part d'un petit comparatif entre courir sur bitume et courir nature. Donc par courir nature, j'entends tout ce qui n'est pas bitume, donc c'est du petit chemin de forêt gentil et calme, jusqu'à des lacets en montagne à 22% avec des racines de 48 cm qui sortent du sol, et du petit chemin gravillonneux tout mignon au pierrier ultra badass des Pyrénées où une demi-seconde d'inattention te fait perdre une cheville. Parce que les amis, bien que courir bitume ou courir nature ont en commun le fait de courir, et encore, hein, disons plutôt de mettre un pied devant l'autre finalement, il y a en réalité des différences qui sont très marquées qui font que le passage de l'un à l'autre nécessite peut-être deux ou trois éclairages pour limiter les étonnements. Vous êtes prêts ? Let's go ! Première chose, l'obsession du chrono. Alors le sujet le plus évident qui me vient à l'esprit pour comparer le bitume à la course nature, c'est la notion de chrono évidemment, qui découle directement de la normalisation des courses bitume versus la non-normalisation des courses nature. Je m'explique. Sur bitume, on a quelques formats de courses bien connus et très répandus. 5 bornes, 10 bornes, 15 bornes éventuellement, hein, semi-marathon, marathon, 100 bornes. Voilà en gros le panel. Hein. Il existe bien des petites variations entre 2-5 bornes ou 2-10 bornes. Hein. Par exemple, le fait que l'un des deux a peut-être un petit virage en épingle qui casse le rythme au kilomètre 3,5, ou le second qui aurait un faux plat de 20 mètres de dénivelé bien casse-pattes sur la deuxième boucle. Bon, certes, ce sont des différences, mais il n'y a pas de quoi changer la course du tout au tout. Et la comparaison de soi sur un 10 bornes et de soi sur un autre 10 bornes a tout de même une certaine cohérence. A l'inverse, pour ce qui est des courses nature, l'idée même de tenter une énumération des formats de courses possibles n'a pas de sens. Déjà parce que chaque organisateur y va de sa petite distance perso, et surtout, le paramètre essentiel du dénivelé y est pour beaucoup, mais alors beaucoup plus significatif que sur du bitume. Autrement dit, tenter de comparer un 10 bornes en montagne à un 10 bornes en forêt, ce que pourrait naturellement faire finalement un coureur qui est très imprégné du paradigme bitume, n'a aucun sens. Tant le premier peut se passer essentiellement sur des pierriers avec 800 mètres de dénivelé positif et négatif, et le second pourrait se passer dans une forêt toute gentille à 400 mètres de D+. Donc le premier prendrait ainsi, pour un coureur de 10 bornes bitume en 50 minutes, 12 à l'heure, pourrait prendre 1h40 sur le premier, et possiblement 1h10 sur le second. Et plus les distances s'allongent, plus les écarts se creusent évidemment entre ce qu'on sait faire sur bitume et ce qu'on sait faire sur des courses nature. Donc ma petite réflexion sur ce sujet, c'est que la dictature du chrono est beaucoup beaucoup moins présente dans des courses nature, car il est très difficile de trouver un référentiel ou un équivalent. Donc on ne sait donc pas exactement sur quel référentiel baser la pression qu'on s'inflige, ce qui aide instinctivement à la relâcher ou plus simplement à ne pas s'imposer de pression. Donc toujours en lien avec le chrono, il y a la question des arrêts. Les arrêts, donc les moments où on marche, les moments où on s'arrête, sont beaucoup mieux acceptés et beaucoup moins vus comme des défaites sur des courses nature, car ils font finalement partie intégrante de la gestion et sont donc totalement légitimes. Donc parfois en montagne, on peut tout simplement pas faire autrement que de marcher à cause de la technicité des chemins. Et également ici, pour les habitués du paradigme bitume, il est pas rare de vouloir trop courir, y compris dans les montées, là où en course nature, c'est possiblement une erreur de gestion. Donc allez, avant de quitter le sujet chrono et de passer à autre chose, je voudrais parler de la fameuse allure, les minutes par kilomètre. C'est un sujet qui m'a beaucoup marqué. Quand je suis arrivé sur la 6000D en 2013, après n'avoir fait précédemment que du bitume et que j'ai été habitué aux kilomètres finalement qui se ressemblent, oscillant entre 4 et 6 minutes au kilomètre finalement, j'ai absolument rien compris à ce qui m'arrivait en arrivant sur cette course. Pour un peu de contexte, la 6000D c'est une course à La Plagne, d'environ 3500 D+, et à peu près 65 bornes, et globalement, il y a 30 kills qui montent et 30 kills qui descendent. C'est un peu ça le profil. Après avoir pris le départ et fait les premiers kilomètres bitume sur environ 6 minutes au kilomètre, arrive la première montée. Et là, pour un mec du bitume, c'est le drame. Les kilomètres ne défilent plus du tout, et c'est impossible de doubler. Alors, single track, c'est avec des bâtons dans tous les sens, et on peut pas passer. Les kilomètres s'enchaînent à 10 minutes, 12, voire 16 minutes au kilomètre, et le peloton, ils s'inquiètent de rien, les mecs qui marchent avec leurs bâtons, tranquille. Et ça, c'est tout simplement parce que le peloton, il sait que c'est tout à fait normal que l'allure soit immédiatement dictée par le profil de la course. Et du coup, quelques années plus tard, quand on se retrouvait en 2016 avec Carole sur la Transcarroquera, une course en Guadeloupe, en pleine jungle guadeloupéenne, okay. Ben j'ai inscrit mon kilomètre le plus lent de ma vie sur une course. 40 minutes. Ouais, et 40 minutes, c'était sans faire de pause. Hein. C'est pas le kilomètre où il y a un ravito au milieu. Non, non, non, c'était un kilomètre en 40 minutes. Vraiment, en essayant réellement d'avancer. Ah, donc là, c'est vraiment pour. Là, tu vois défiler ta vie, quoi. Tu te dis, je vais y rester toute ma vie sur cette course. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est vraiment pour marquer cette différence entre les allures bitume et les allures nature. Et attends, j'ai même pas fini, vas-y. Écoute ça, je vais encore enfoncer le clou. En plus du dénivelé, hein, qui est dimensionnant en course nature et qui a un impact direct sur l'allure moyenne, comme on vient de le dire, il y a un détail, entre gros guillemets, dont on parle beaucoup moins, c'est la technicité. C'est-à-dire, en gros, sur les affiches de course, ce qu'on voit, c'est les kilomètres et les mètres de dénivelé, en gros. On voit jamais, on nous parle jamais de technicité. On peut pas. Parce que, à titre d'exemple, les mêmes coureurs, faire une autopub, on va parler des lapins runners, tu vois. Mais c'est qui, ceux-là ? Voilà, tu vois. Et ben, ce qu'ils ont fait, ces gens-là, c'est qu'ils ont réalisé l'UT4M. Donc, pour rappel, l'UT4M, c'est 168 km et 10 000 D+, environ. Et ben, ils ont fait ça en environ 54 heures et des poussières. Et ils ont fait cette année-là, l'UTMB, 168 km et 10 000 D, aussi 10 000 de dénivelé. Même chose, exactement comme l'UT4M, même nombre de kilomètres, même dénivelé, en environ 45h30. Donc je rappelle, versus 54 heures pour l'UT4M. Donc même coureur, même distance, même dénivelé, 10 heures d'écart. Pourquoi ? Eh bien parce que les chemins des Alpes sont beaucoup moins difficiles à fouler, sont beaucoup moins techniques que les chemins des quatre massifs autour de Grenoble. Et ouais, rien que ça. Voilà, donc je vais pas... Je pourrais continuer, mais je ne vais pas me lancer dans le sujet des intempéries, comment les intempéries influent sur les vitesses de course, parce que sinon, on en a pour toute la journée. Bref, passons maintenant à un autre étonnement qui est, pour moi, la difficulté de l'effort. Nouveau bitume vs nature. Donc certains seront totalement d'accord, hein, certainement, et d'autres pas du tout. Mais pour moi, c'est clair et net, le bitume me fait beaucoup plus mal que la course nature. En nature, jamais je me retrouve à taper pendant plusieurs heures consécutives et sans arrêt sur le bitume. Ça n'arrive pas, ou même pas sur le bitume, sur un chemin. Jamais on court pendant des heures d'affilée. Donc voilà, sur le bitume, il y a une certaine pression qui est plus ou moins directe et plus ou moins avouée que la montre nous inflige. À l'inverse, en course nature, il y a cette sorte de régulation automatique de l'effort qui est imposée par le dénivelé et par la technicité des chemins dont on vient de parler. Donc concrètement, hein, on marche en montée, on marche parfois en descente quand c'est trop raide, et on court sur le plat. Et on prend un peu de temps au ravito, on s'arrête un peu, ce qui a tendance à réguler automatiquement l'effort. Et il y a aussi cette notion de gestion dans un coin de la tête, quelque part, qui fait qu'on a tendance à pas sortir ses ressources pleines balles dès le début, et à être beaucoup plus dans une approche d'économie. Bah, sur le bitume, il n'y a aucun de ces garde-fous qui existent pour imposer un rythme, et on peut vite se laisser emporter par le moment en oubliant cette notion d'économie, et en se prenant ne serait-ce que le temps de la course au jeu de la vitesse. Donc ce qui en résulte, c'est des chocs plus importants au niveau des articulations, des tendons, des fibres musculaires qui sont plus endommagées, un appareil respiratoire qui tourne à pleine balle non-stop pendant tout le temps de la course, et donc un stress du corps qui est globalement plus important. Personnellement, mon corps est systématiquement beaucoup plus traumatisé en sortant d'une course bitume longue, marathon ou 100 km par exemple, donc 4 à 12 heures d'effort, que sur un trail, même si c'est un trail de plus de 20 heures, par exemple. Pour ceux qui ont suivi, j'avais réussi à ne pas employer le mot trail jusque-là, et je viens de le faire. Mince, il y en avait un dedans, quoi. Merde. T'as perdu quoi comme pari ? J'ai pas perdu de pari, c'est un pari avec moi-même. Bref. Je voudrais aborder maintenant le sujet du matériel, un autre sujet important. Donc sur le bitume, on a quand même rarement plus qu'un camelback sur le dos, hein, et on a rarement plus qu'une heure entre deux ravitaux, hein, sur le bitume toujours. En course nature, force est de constater qu'il n'y a pas vraiment de règles. Le matériel obligatoire, il varie considérablement d'un organisateur à l'autre, et force parfois à avoir plus de 5 km de matos sur le dos sur les méga-courses. Pour ce qui est des distances entre les ravitaux, elles sont très variables, c'est 1 à 4, voire 5 heures parfois sur des courses énormes, donc il vaut mieux avoir ce qu'il faut sur soi et gérer indépendamment de l'organisation, son hydratation et sa glycémie. Donc là, pareil, énorme différence de gestion de l'équipement. Et enfin, donc, bien que j'ai déjà énormément parlé, je peux pas rendre le mic sans évoquer l'adversité de la nature, quelque chose qui m'a énormément marqué également dans mes expériences. Donc clairement, lorsqu'on court sur bitume, on bénéficie, entre guillemets, d'une certaine sécurité. C'est celle, finalement, de jamais être réellement au milieu de nulle part, jamais vraiment paumé. On a vraiment rarement ce sentiment de danger ou sentiment d'adversité oppressante qu'on peut avoir sur un sommet à 2800 mètres, en haut d'une montagne, à 4h du matin, trempé dans le froid avec le tonnerre qui gronde. Le bitume offre ce cadre de course maîtrisé par plusieurs aspects, ne serait-ce que le fait d'avoir un chemin clair et net, bien tracé, souvent d'avoir un bénévole à seulement quelques minutes en cas de pépin est facilement trouvable. J'ai jamais eu, à titre personnel encore, jamais eu le moindre sentiment de danger, quelle que soit la course sur bitume que j'ai pu faire. J'ai toujours eu le sentiment de pratiquer un sport surveillé, un peu comme si je barbotais et que le maître nageur regardait ce que je fais, quoi. À l'inverse, sur une course nature, c'est là où j'ai vécu les pires frayeurs de ma vie. J'ai clairement eu peur pour ma vie à plusieurs reprises, hein. On en parlait dans une précédente chronique, hein, sur les hallucinations. Donc quand tu dors à moitié et que tu marches à plus ou moins 30 cm d'un ravin qui fait 100 mètres de haut, c'est vraiment pas sécure. Quand il fait nuit, qu'il neige, que ça glisse et que même couvert de la tête aux pieds avec rien qui dépasse, tu te les gèles, clairement c'est pas non plus sécure. Quand t'es haut d'une montagne sans abri et que tu arrives même plus à manger, à boire à cause des conditions que t'infliges à ton corps, que t'as même plus les jambes et qu'il se met à pleuvoir, bah là encore tu fais pas vraiment le malin, quoi. Bon, après bien sûr, relativisons, j'évoque ici des cas extrêmes de courses très longues qui m'ont bien marqué, hein. Mais rassurez-vous, les bonitos, hein, les courses nature plus courtes impliquent pas forcément de nuit, impliquent pas forcément de température extrême et sont beaucoup plus sécures pour la plupart. Voilà. Bon, quelle conclusion à tout ça ? Pour moi, les courses nature, elles sont beaucoup moins normées et beaucoup plus protéiformes que les courses bitume. Donc, elles soumettent souvent le coureur à des conditionnements qui sont totalement différents et qui sont notamment liés aux codes différents sur ces deux types de courses. Alors, très schématiquement, d'un côté, on a le coureur bitume qui est léger, qui discute pas, qui a ses allures et qui suit un meneur en essayant de pas exploser et d'arriver au bout à peu près correctement dans un chrono défini. Et t'as l'autre type, c'est le coureur nature, qui est un peu plus à l'écoute et un peu plus en gestion, plus décontracté, et qui tâche d'utiliser au mieux sa condition physique pour venir à bout des difficultés que l'organisateur lui a réservées sur le parcours. Personnellement, malgré toutes ces différences, j'aime énormément incarner l'un et l'autre à tour de rôle pour pouvoir profiter de tout ce que le monde de la course à pied a à nous offrir. Donc pour conclure ma chronique, les bonitos, moi je vous invite à réagir sur le Discord, sur Twitter ou la plateforme de votre choix. Moi j'aimerais bien savoir quels ont été à vous vos étonnements, si vous avez fait une sorte de transition ou pas, ou même des expériences d'une part sur le bitume, d'autre part en course nature. Quels ont été vos étonnements? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont surpris? Ça m'intéresse de savoir et d'interagir avec vous. Bah super, tu me fais ma transition parfaite là, Emir. Mais avant de vous demander justement quels ont été vos étonnements en passant du bitume au trail ou l'inverse, je voudrais juste qu'on remette un peu les choses au clair pour les auditeurs qui nous écoutent. David, toi, qu'est-ce que tu as comme expérience au niveau de la route et au niveau des trails ou de la course nature, comme dirait Mire? Je suis ceinture noire. Ceinture noire des deux trail. Ah, de trail. Non, de trail. Non, tu veux dire en termes de course que ce qu'on a fait? Ouais, finalement, est-ce que t'as fait plus de route que de trail? Enfin, moi, je sais pas. Moi déjà, je dois courir à peu près depuis peut-être une vingtaine d'années, principalement sur route. En course, j'ai commencé par les petites distances sur bitume, bien sûr. Je suis monté jusqu'au marathon, donc je dois avoir 9 marathons, un truc comme ça. Ouais. J'ai essayé aussi le 100 km, j'en ai couru 3 sur route toujours. Et puis peut-être il y a 4-5 ans, j'ai essayé le trail. Et là, j'ai dû faire peut-être... depuis, j'ai dû faire une trentaine de trails, peut-être. Dont quelques ultras, quelques longues distances, mais une dizaine, quoi, pas plus. Voilà. C'est déjà pas mal, mais bon. Ouais, bon, c'est déjà pas mal, oh, c'est clair. C'est déjà pas mal, c'est clair. On va pas répéter que donc Emir, il fait les deux dans son année, de la course sur route et sur trail. Ouais. Et du coup, ben, toi, David, qu'est-ce qui t'a étonné le plus quand tu es passé au trail après avoir fait de la route, hein? Les montées. Ça m'a... tout à l'heure Emir, oui, il a décrit parfaitement, en fait, même si j'ai pas participé à la 6000D ou quoi, enfin, ou aux courses dont il a parlé. Même le simple petit trail à côté de chez moi, je me souviens des premières montées, et là, d'un coup, tout se déréglait, quoi. Tout ce qui était prévu était foutu par terre. Et c'est ce qui m'a marqué principalement. Mais j'ai assez rapidement essayé la montagne. Et c'était vraiment dans le cadre d'un rendez-vous avec des amis, quoi. Et en tout bien tout honneur. Je me suis fait mal direct, quoi. Direct, je me suis fait mal. Et voilà. Et on entend souvent, ouais, avant de démarrer le trail, j'entendais beaucoup l'assertion suivante, là, tu sais, tu fais du marathon, mais non, mais si tu fais 60, 70 km en trail, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins traumatisant, etc. Moi, j'ai pas du tout ressenti ça, en fait. Hein. Ah ouais, non, mais clairement, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Et toi, bon, bah, Emir, tu nous l'as dit un petit peu, c'est pareil, c'était les temps sur ton premier trail, quand il a fallu que tu fasses des kilomètres en 10, 12 minutes, tu t'attendais pas à ça? C'est ça qui t'a le plus choqué quand t'es arrivé sur les trails? Complètement, ouais. Bah, quand t'arrives dans le domaine, tu commences à prendre tes marques, que tes marques, en gros, ça te fait comprendre qu'il y a certaines allures qui sont les tiennes, que tu respectes tout le temps sur le début de ta pratique, voilà, ton monde, il est fait comme ça. Et à un moment donné, il y a un autre truc qui s'appelle plus ou moins aussi course à pied, dans lequel tu te retrouves, et là, tu pars sur des valeurs qui sont x2, en fait, sur tes valeurs habituelles, c'est même pas un peu plus, c'est pas tu passes de 6 à 7 minutes, à 8 minutes, tu passes de 6 minutes à 12, à 13, à 15, c'est des choses qui sont au début déstabilisantes. Ça, c'est le premier truc qui me venait en voulant parler de ça, c'est ce rapport d'étonnement-là, il est immédiat, quoi, t'as plus ces allures au kilo qui sont même à la base de, tu vois, tu prends n'importe quel plan d'entraînement bitume, c'est codé avec des allures au kilomètre qui sont régulières tout le temps. Voilà, sur trail, c'est la course qui décide combien de minutes au kilo tu mets à quel moment de la course. C'est pas toi. Exactement. Et puis il y a les premières fois où tu marches et tu te dis, moi je fais de la course à pied, et c'est là, donc au début, tu vois bien des gens autour de toi qui marchent, mais toi tu te dis, non, on est là, c'est de la course à pied, donc je cours, quoi. Mmh. Et tu te grilles vite, et puis là, ben, tu comprends, mais moi je l'ai pas accepté facilement, en fait. J'ai pas compris, quoi. Complètement. C'est la gestion de l'effort qui est complètement différente sur les trails, finalement. Mais oui. En fait, sur le trail, la marche, c'est partie intégrante et c'est un outil essentiel. Alors ouais. Que quand tu viens du marathon, la marche, c'est le fail, c'est l'incarnation de l'échec. C'est clair. Le marché, c'est le dernier recours. Le marché, c'est tricher, bordel. Et d'ailleurs. J'ai terminé sans marcher. C'est ça, le j'ai terminé sans marcher, c'est un gage de fierté énorme. T'as l'impression que t'as pas fait un marathon si t'as marché, quoi. C'est au début. Moi, c'est un peu ça. Et que t'as mérité ta médaille de finisher. Grave, limite, tu la jettes si t'as marché, tu vois, t'en veux pas. Mais en gros, juste une petite anecdote, c'est que personnellement, je crois que les premiers marathons que j'ai fait, donc c'était les premières courses les plus longues que j'ai pu faire quand j'ai commencé la course, bah en fait, je crois que je les ai fait sans marcher du tout. Je me forçais à ne pas du tout marcher parce que pour moi, si j'étais conditionné comme ça, j'étais plus dans le marathon. Et je me suis torpillé le corps, j'arrivais mais défoncé parce que je me refusais à marcher, en fait. Et quelques temps après, une fois que j'ai eu commencé la course nature, bah en fait, j'avais complètement décomplexé de tout ça, et les marathons qui suivaient, il y a des marathons que j'ai fait, que j'ai beaucoup mieux vécu, et j'ai fait des meilleurs chronos en ayant marché au milieu que des marathons précédemment où je m'étais refusé à marcher. Parce que voilà, je m'étais déverrouillé. Le trail t'a appris. C'est ça. Ouais, ça m'a déverrouillé. Le trail t'a appris à gérer mieux ton effort, peut-être aussi. Ouais, ça m'a appris que marcher, c'est un outil, en fait. C'est un outil comme un autre. Et c'est pas un échec nécessairement, contrairement à ce qu'on peut penser quand on débarque dans le bitume. Et David, là, tu as parlé un petit peu là, au tout début de notre discussion, là, du fait que les gens disent souvent que. Un marathon, c'est plus difficile que faire 60 ou 70 km sur trail. Qu'est-ce que t'en penses ? Enfin, toi, tu as dit non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Pourquoi ? Je pense que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais pour ma part, je pense que je suis taillé plutôt pour la route. Ouais, ça dépend des gens, tu veux dire, peut-être. Ça dépend. J'en suis pas sûr, mais ce dont je suis sûr moi, c'est que je suis beaucoup plus à l'aise sur route, et j'ai besoin d'avoir ce contact avec le sol ferme. Et dès que ça devient un peu meuble, je sais pas, un peu de sable, des cailloux, etc. J'ai l'impression d'être un espèce d'éléphanto en fait qui s'enfonce et qui n'arrive pas à relancer l'impulsion. Ouais, je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais plus que t'allais parler du. Ah, c'était pas prévu. Ok, d'accord. Je pensais dans ma tête que t'allais parler du fait que. C'est une autre. Enfin, la difficulté physique et la difficulté mentale, à mon avis, moi, dans les trails, elle est complètement différente par rapport à la route. Quoi. La difficulté physique est plus grande sur le bitume, quand je dis physique, musculaire, etc., que sur les trails. Et sur les trails, c'est plus du mental. Quoi. Tu vois, pas forcément pour moi, parce que dès que je me retrouve sur des sols dans lesquels on s'enfonce, ou alors soit escarpé, soit un peu accidenté. Je me crispe et même musculairement, je me sens moins performant. Je suis le coureur qui, tu vois, quand tu cours un petit peu le long du canal, etc., tu croises toujours des coureurs qui courent sur le bas-côté où il y a un peu d'herbe, etc., un peu d'herbe, ou un sol un peu plus accidenté. Moi, non. Hein, que ce soit du trail ou de la course sur route, je cherche toujours l'endroit le plus dur, le plus net, avec le moins d'aspérité possible. Et je me sens beaucoup mieux physiquement, musculairement, tout ce que tu veux. Et donc toi, Emir, qu'est-ce que tu en penses du fait qu'on dise que de courir un marathon, c'est plus difficile que courir 60 km sur trail ? Je ne sais pas si c'est plus difficile. Moi, mon ressenti, c'est que, comme je l'indique dans la chronique, je suis beaucoup plus cassé après du bitume qu'après du trail. Parce que, comme je l'indique, il y a cette non-régulation, ce qu'on s'impose sur le bitume, cette sorte de moteur qui te pousse à essayer de faire mieux ou moins égal à la dernière fois, ou pas être trop loin à ce que tu as fait la fois précédente. Donc, quelque part, en fait, tu t'imposes cette session de traumatisme non-stop, en fait. Là où sur trail, moi, j'ai la course qui m'impose une régulation et ça me repose le corps, en fait. Et du coup, à la fin de la course, si je compare, je peux faire 20 heures de course pour sortir, j'ai des courbatures pas mortelles le lendemain, versus si je te fais 5 heures ou 12 heures sur un 100 bornes, par exemple, là, le lendemain, je suis pulvérisé, j'ai des courbatures, je me lève pas du lit, quoi. C'est voilà. Après, si tu fais 5 heures, c'est pas mal. Si je fais 5 heures au 100 bornes, on est pas mauvais, ouais. Mais ça m'est jamais arrivé jusque là. Peut-être un jour. Et c'est vrai que sur route, ça dépend un peu pourquoi on est là. Si on est là vraiment pour performer, on pourrait avoir tendance à faire des courses vraiment beaucoup dans le rouge, quoi. Oui, moi c'est ce qui m'arrive. C'est difficile. Ouais. Dans le rouge, tu veux dire dans le rouge physiquement. Ouais, c'est tu cours sur le fil en fait. Tu cours sur le fil. Mm-hmm. Exactement. Là où sur trail long en particulier, tu prends pas le risque d'être sur le fil. Tu t'y mets pas. Tu t'y mets pas parce que tu dis je peux pas me permettre. Tu gères ton effort. Ouais. Il faut le tenir parce que ça va être encore long, quoi. Ouais. Sur trail par exemple, sur trail long en particulier, moi ce qui m'arrive, c'est je suis en aisance respiratoire. En fait, je suis soit en aisance respiratoire. C'est-à-dire que j'ai les jambes qui taffent dur et je suis limité plus par les jambes que par le souffle. Le cardio, Et de temps en temps, c'est l'inverse. C'est de temps en temps, j'ai le cardio qui part en flèche, mais j'ai les jambes qui sont à l'aise en fait. Ça dépend vraiment. Et je pense que sur bitume, j'arrive à me retrouver dans une situation où 90% de ma course, j'ai les deux qui sont en feu, en fait. J'ai les deux qui sont à la limite. Et les jambes et le souffle sont sur le fil. En fait. Voilà. Donc, tout ça fait que le bitume, je le vis plus difficilement que... Plus difficilement. Voilà. Mais après, voilà, comme dit David, hein, c'est bien sûr mon cas personnel que je décris là. Il y a des gens qui vont se retrouver dedans, d'autres qui vont vivre la chose totalement différemment. Mais c'est ouais. Et puis, le côté mental, vous trouvez quoi? La comparaison entre les deux. Est-ce que vous trouvez que c'est plus mental le trail ou la route hein? C'est différent. Ouais, grave. Ouais. Je crois que j'ai pas mieux à dire. C'est trop différent dans le sens... Moi, pour moi, le mental, il intervient quand t'es au bout du physique. Enfin, c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est quand t'es en aisance physiquement, ton mental, t'as pas besoin de puiser dedans, finalement. Les sensations sont là. Le mental, il prend le relais quand physiquement, tu commences à être dans le dur. Et du coup, dans les deux cas, c'est pas la même difficulté, mais dans les deux cas, t'es dans le dur. Donc, sur trail, parce que faut résister super longtemps avec peut-être moins, en étant moins sur le fil, en étant moins dans le rouge, mais il faut résister super longtemps, et t'es soumis à d'autres contraintes, telles que, t'es peut-être les douleurs aux chevilles, peut-être le fait d'avoir l'attention rivée au sol, parce qu'il faut faire attention où tu fous les pieds, peut-être le fait qu'au bout d'un moment, si c'est trop long, tu commences à avoir sommeil, alors que sur bitume, t'as pas tous ces problèmes à affronter, donc quelque part, le mental est pas sollicité de la même façon, mais t'en as d'autres des problèmes, comme le fait que ça fait 3 heures que t'es sur le fil, et t'as plus de jambes, et t'as ton 4 minutes 30 au kilo sur ta montre que tu veux pas laisser passer, enfin tu vois, le mental est sollicité par des contraintes externes qui sont totalement différentes, et du coup j'arriverai pas à te dire c'est plus facile l'un ou l'autre. Pour moi c'est dans les deux cas c'est super dur, et je peux pas les hiérarchiser en fait. Ok, David, tu penses, t'en penses pas? J'ai remarqué que quand je suis pas super bien physiquement, je suis vraiment très laborieux en trail ou en course nature. Et donc mentalement, je plonge quoi. Alors que sur route, j'arrive plus facilement. Je parle surtout pour les entraînements. Hein. Je gère plutôt mon allure, etc. Et je me rassure. Tu vois un peu? Ouais. Du coup, ça te remonte le moral. Enfin. Ouais. Du coup, mentalement, tu alimentes c'est beaucoup plus... le moral. Ouais. Comme ça, quoi. Alors que quand tu payes une super montée en trail. Ou une super descente, hein, quand c'est vraiment très, très, très descendant, t'es aussi en situation de subir, ce qui n'est pas le cas sur plat, ouais. Sur route. Ouais. Et sinon, vous voyez des avantages, des inconvénients, on va essayer de comparer, avantages, inconvénients de la course sur route, par exemple, hein. C'est quoi les avantages? Comme je le décrivais tout à l'heure, hein, la possibilité de gérer sa course, de ne pas subir le terrain. Ouais. Ça, c'est un avantage que je vois à la route. Émir, t'en as un avantage? J'ai du mal à appeler ça des avantages et des inconvénients, tu vois. C'est en fait, ouais. Bah, après, c'est des différences, quoi. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ouais, j'arriverais à qualifier ça de différence. Avantage ou inconvénient, j'ai plus de mal parce que je trouve que c'est trop subjectif, et moi je prends pas parti parce que je trouve que dans les deux cas c'est intéressant en fait finalement. Donc oui. Ah oui non bien sûr, mais par exemple moi je te dirais un avantage de la course sur route, et parce que je le fais toute la semaine, c'est je prends mes chaussures et je vais courir et c'est juste à côté quoi, tu vois. Oui, tout le monde n'habite pas à côté des trails, tu vois, c'est un avantage pratique tout simplement. Oui, oui. Quoi. Les avantages, ouais, je pense que les avantages c'est de ce côté sécurité. Je peux dire en certains, dans un sens que c'est un avantage quelque part. Je peux dire aussi qu'on a des habitudes plus facilement, des choses auxquelles se raccrocher sur bitume, qui sont plus évidentes. Après, les avantages plutôt côté course nature, c'est le cadre, je pense qu'il est quand même beaucoup plus intéressant. Ça me fait plus plaisir, par exemple, d'aller courir dans une forêt ou sur une montagne et éventuellement de voir des animaux, ou en tout cas de voir la végétation ou autre que de ça passer en ville. Ça dépend que les animaux. Hein. Ouais, voilà, ça dépend s'ils veulent te bouffer. Mais... Parce que j'ai déjà rencontré des sangliers, par exemple, je m'en serais passé. Quoi. Ça dépend, on est d'accord. Des tiques qui te transmettent la maladie de Lyme. De Lyme. Okay. Ouais. Bah ouais, ça dépend quels animaux. Les serpents à sonnette, là aussi. Voilà. Rien, quoi. Les animaux gentils, du monde de Disney. Les petits papillons, tout ça, quoi. C'est ça, c'est ceux-là que j'aime bien, voilà. Ouais, ça, je mets ça du côté des avantages côté nature, ouais. Voilà. Brièvement, c'est ça. Moi, je vois un inconvénient à la course sur route, par exemple, c'est le fait que on court de façon monotone, à un rythme constant, et ah, je m'inscris totalement en faux avec ça, quoi. Toi, c'est un avantage pour toi, dans l'autre sens. Bah, attends, franchement, tu te mets des oreillettes, tu t'écoutes Jogging Bonito, et c'est top, quoi. Et c'est parti. C'est vrai. Et ouais. Ouais. C'est vrai, moi aussi je l'ai mis, t'as vu, moi aussi je l'ai rangé du côté des avantages celui-là, tu vois, le fait de se raccrocher à une régularité, comme quoi, on a parlé de la même chose, et tu vois, il était dans un camp différent pour l'un ou l'autre. C'est différent pour tout le monde, c'est marrant. Ouais. Bon, en tout cas, on l'aura compris, on a donc du coup David qui est pour le bitume, Emir pour le trail, moi je suis entre les deux. Le clash. Bon, allez, on va passer maintenant à David, parce qu'il faut qu'on lui règle son compte, vous allez voir ce qu'il a fait. Moi aussi je veux voir ce qu'il a fait, parce que voilà, pour la petite histoire, je ne sais absolument pas ce qui va se passer, hein. C'est la partie impro pour moi. Je savais bien que c'était louche tout ça. 2 mois sans face ici, un David tout tranquille, forcément c'était louche. Forcément, il se tramait quelque chose. Enfin, moi, j'en connais un qui va bouillonner. Hein. Jean-Baptiste, si tu nous entends. Les Bonitos, si vous nous suivez régulièrement. Ouais. Rappelez-vous de notre premier invité dans l'épisode 13 de février 2018. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter ou à le réécouter. Allez, David, va. Crache le morceau. Ouais. Ouais, il est 22h et la journée a été longue. Il a fallu que je gère mes affaires et que j'aille rendre visite à mes débiteurs pour leur notifier qu'ils ont quelques retards de paiement. Quelques codes pétés en somme, la routine. Le business n'est pas très florissant ces temps-ci. La PESA ne rapporte plus autant de fraîches qu'à la belle époque, où on pouvait rodka ses branquignoles de coureurs à pied en leur faisant croire qu'ils couraient plus vite avec du Salomon sur la cuirasse. Pareil pour les godasses, on n'arrive plus à écouler le stock de Hoka à 150 cusses. Mes associés battent le pavé le soir sur les boulevards, ils bicravent des torches qui se visent sur le crâne, à des coureurs nocturnes en mal de gloriole. Mais c'est yaigri, ça rapporte que dalle pour ma contribution à la famille, et bientôt, je ne serai plus dans le circuit. Chez les affranchis, on aime bien le sale turbin, mais c'est celui qui sera le plus tordu qui sera promu. Il y a Bobby, une baltringue qui sniffe du malto du matin au soir. Tout le monde le craint, car en plus de faire entrer de la caillasse, il manie bien la batte. Il y a Teddy, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Lui, il contrôle le réseau d'information et graisse la patte à des politiques véreux, plus cupides que des blogueurs de running, et qui ferment les yeux sur nos petits larcins. Ensemble, ils serrent des pognes dans les soirées de lancement de produits, des semelles révolutionnaires en polystyrène, aux barres de céréales indigestes, et ils vident des bouteilles de boissons énergétiques qui les feront crever, j'espère. Et puis il y a Jimmy, un type pour qui je me suis porté garant car il bosse sur une recette de gel énergie coup de fouet avec de l'EPO indétectable. Un truc potentiellement bien juteux. Sa combine tarde à être au point et je commence à me demander si c'est pas un indique qui opère aux côtés des Kiss Day ou un mec chargé de me surveiller. Mais je l'aime bien, Jimmy. Bref, mon entourage est un vrai panier de crabes, je vous raconte pas. Quant à moi, je vous ai dit, la journée a été dure. Sur mon fauteuil en rotin, en train de siroter un athlon bien frais apporté par ma femme Molly, je lis les dernières nouvelles dans mon journal. Xavier Thévenard a braqué une banque. Rémi NFKB s'est mis à la gonflette et a rouvert son compte Instagram. Guren Vegan a été pris en otage par des véganes. Greg Runner a gagné l'UTMB grâce à sa barbe et la FFA a interdit les ceintures porte dossard. Ce monde est pourri et ça me donne envie de calter Fissa, un peu comme après un ravito sur une Saint-Élion. Le téléphone sonne, c'est Cody. Cody, c'est le capot de notre équipe de running. Une pourriture de contrebandier en cavale depuis qu'il a été condamné pour fraude de certificat médical. Je suis convoqué dans un lieu en scred car quelqu'un lui a dévoilé mon secret. J'ai des indications à suivre pour le retrouver. J'avale une dernière gorgée d'athlon. Molly sort de la douche après sa séance de freeletics et demande « Hé, gros doudou, c'était pour moi ?» Non. C'est juste un type intéressé par mon camelback. Il veut qu'on se voit. À cette heure-ci ? Que veux-tu, chérie ? Molly, m'attends pas ce soir. Je risque d'en avoir pour un moment. Si Jimmy appelle, dis-lui juste que puisqu'il fallait que ce soit quelqu'un, j'aime autant que ce soit lui. Alors j'enfile mon pire maillot de finisher en coton. Une veste mal taillée remportée dans un mud day. Je retire la médaille du marathon de la route du Louvre qui ne me quitte jamais. Ma Suunto avec verre en cristal de saphir. Mes manchons de compression signés Dominique Chauvelier. Et je vide mes poches pleines d'épingles à nourrice sous le regard inquiet de ma femme. Ce soir, je vais servir de festin à des soldats amateurs de corps découpés à la scie Kalenji, démembrés, éparpillés dans des sacs plastiques ou fondus dans du bitume par des anciens frères routards. Pas la peine de chercher le traître qui s'est mis en planque pour me poucave. Il a sans doute infiltré la Fédération Française d'Athlétisme, ou peut-être a-t-il bénéficié de leur complicité parce qu'un dirigeant n'avait pas apprécié mes critiques. Peut-être qu'il a cru que j'étais repenti, que j'avais pactisé avec les pistards, mais il aurait pu m'en parler, merde. Surtout si c'est Jimmy. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Combien de fois je l'ai reçu chez moi, dans ma maison. Je lui ai même cuisiné du gâteau sport. Il aurait dû savoir que je restais fidèle à la famille. En tout cas, lui aussi finira par goûter du 22 mm et il se fera nettoyer par un autre soldat. Et il paiera d'avoir révélé que j'ai inscrit mon fils Tony dans un club d'athlé. Ah ! L'horreur ! Comment t'as pu faire ça, David ? Parce que c'est la vérité, allez, Bonito. C'est la vérité. Je te raconte pas. Si. Non, moi, je suis sûre que c'est un coup de Molly, ça. C'est pas de bah, ça. Tu... Ah, ben bah, non, mais vous êtes, enfin, vous êtes pas sans savoir que récemment, je me suis mariée. Ouais. C'était. Ouais, voilà, ça c'était y est, dans... tout part en caca, voilà. T'es mariée, t'as c'était vu dans... ce que tu fais. C'était dans le contrat de mariage, en fait, hein, tu vois. Ouais. Tu vois, comme une autre clause, il y avait une autre clause qui m'interdisait de faire plus de 2 marathons par an. Oh là là. Ouais. Et de courir donc, pendant l'été aussi, peut-être. Molly. C'est Molly. Ou de rouvrir mon blog de running. Donc t'as vraiment inscrit ton fils, alors ouais. Ouais, j'ai vraiment inscrit mon fils. Les auditeurs l'entendront peut-être pas, mais cette chronique est sans doute la plus chaotique qu'on ait enregistrée depuis le début de cette aventure. Ouais, il y a eu des larmes. Émir n'avait pas du tout écouté elle n'avait aucune preview de la chronique et du coup c'était difficile de garder. Il n'était pas prêt à garder son calme. Non mais je suis sûr que tout le monde s'est marré. Enfin, je sais pas, c'était oui. Génial quoi. Je sais pas, on était dans le grand bonitisme. mais appliquer sérieusement. Mais version running. Voilà, c'est ça, c'était génial. Non, voilà. Je me suis marré. Bon, voilà. Donc c'est un petit peu en dessous du grand banditisme, ouais. Quoi. Ah, grand banditisme de ça, running, quoi. Là. Recel bon. De chaussettes, de compression, tout ça. Recel de 3D dots. On va le lancer. Ouais. Énorme. En tout cas, ça me laisse tellement sans voix cette histoire-là que bah, en fait, j'ai envie quand même d'évaluer ton degré d'implication dans tout ça, David. Du coup, je vais te proposer 2 situations en parallèle et tu me dis ce que tu préfères. Émir, n'hésite pas à te joindre à moi à tout moment. Si tu as envie de faire comme je vais faire, tu peux lui poser quelques questions aussi. Donc, première question, David. Est-ce que tu préfères que ton fils devienne champion de 110 mètres et ou qu'il soit partisan de droite? La droite forte ou de la droite macronienne? Non, de droite. Allez, je préfère qu'il fasse du 110 mètres. Ouais. Oh, ok. Ah, c'est... Deuxième c'était question. Sans hésiter, quand même. Ouais, franchement. C'était rapide. Est-ce que tu préfères que ta fille soit la reine du sprint sur 100 mètres ou qu'elle c'est devienne Joker. Instagrammeuse? Je sais pas. Est-ce qu'elle pourrait écrire des livres qu'elle mettra en avant sur Instagram pour expliquer que c'est une spécialiste du 100 mètres du sprint, okay. Enfin, un truc comme ça peut-être. Ouais. Allez, un compromis. J'ai pas trop choisi c'est en vrai. Fait là. C'est vrai, ouais, c'est trop vrai. Dur. C'est compromis là. Ouais. Compromis. Troisième question. Il y en a beaucoup. Il y en a 4. Mais peut-être que Émir va en rajouter une, hein, je sais pas. Est-ce que tu préfères devenir président d'un club d'athlétisme ou qu'on empêche Micheline de franchir la ligne d'arrivée du marathon de Paris après 6 heures d'effort? En tant que personne philanthrope et altruiste, Je dirais être président d'un club d'athlétisme. Donc tu préfères que Micheline... Elle se plante. Ouais, mais Micheline, ouais, bravo, quoi. Vous n'avez tu pas laisses... compris. Mais tout, vous n'avez tout est pas compris que Micheline... part en cacahuète, là. Tout part en cacahuète. Mais vous n'avez pas compris que Micheline terminait son premier marathon en 7h58, je le rappelle. Maintenant, il fallait pas lui interdire parce que justement, ça l'a motivée. Elle a pris exemple sur les vrais athlétos. Et grâce à ça, elle va terminer le marathon en 3h45. Et, okay. Et vous n'aurez plus rien à dire. Voilà. Okay. Donc, je préfère être devenir un président de club d'athlétisme et on sera un club Spiridon. Ok. Bon, dernière question. Est-ce que tu préfères te cailler le huc sur les gradins d'un stade pendant que tes enfants font des tours de piste ou te cailler le huc dans une patinoire pour assouvir leur passion du curling? Ben écoute, j'ai commencé à expérimenter la première proposition. Ouais. Même si c'est pas forcément pour faire des tours de stade, mais plutôt jouer dans le stade pour de vrai, hein, parce que je rappelle qu'un stade normalement c'est pour jouer au foot, c'est pas pour courir. Jean-Baptiste, excuse-moi, pardon. Jean-Baptiste. Mais donc, ben on va dire la deuxième proposition parce que on aime bien explorer de nouvelles choses, donc on va faire un peu de curling. C'est cool. Ok. C'est bon. Télévisuel en plus. Bon, enfin, moi je retiens quand même que tu penches quand même sur l'athlétisme. Hein mmh, ah, t'es pas d'accord. Hein. Je suis d'accord. J'ai l'impression qu'il est passé de l'autre côté, là. Bon, une nouvelle fois, on va remettre les choses au clair pour les bonitos qui nous écoutent. Ah, parce qu'on va essayer de faire un débat sérieux on derrière ça, on va essayer ça, de repartir... Voilà, maintenant, on va repartir sérieux, là. Je suis là pour ça, mince, quoi. Émir, est-ce que tu as déjà été en club? On en avait parlé déjà, mais juste pour... Ouais. C'est très ouais. Vieux, mais ouais. Je sais plus j'avais quel âge. Je crois que j'étais au collège. Ouais, j'ai déjà été en club. J'ai pas forcément trop aimé. Okay. Il y avait mon frère qui était dedans et c'est pour ça que j'y allais. Quand mon frère a été d'y aller, j'ai résisté un petit peu, mais je me suis vite désintéressé du club. Et toi, David? Quand j'étais petit, ouais, j'ai essayé. J'ai essayé tellement de sports, en vérité. Je me suis même rappelé récemment que j'avais essayé l'équitation. Oh punaise, mais avec mon père, on était d'accord pour dire que j'avais essayé pendant 2 minutes 50. 2 minutes 50. J'ai sauté du cheval parce que je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais. Et puis, j'ai jamais pu remis les pieds là-dedans. Mais oui, j'ai fait partie d'un club d'athlétisme. Okay. Et ce qui m'avait perturbé au début, c'est que tu essayes un peu toutes les disciplines. Toutes ouais. Sortes de disciplines. Uh-huh. Et bon, bah. Donc, ça m'avait pas super plu à cause de ça. Mais sinon. Parce que c'était trop varié. Ouais, c'était trop varié. Et puis, ben, du coup, je sais pas quel âge je devais avoir. J'avais peut-être 10 ans, quoi. Et le saut à la perche à 10 ans, ça fait peur, quoi. T'étais pas d'un intrépide. Ouais, pas tellement, en fait. Ah. Mais bon, en vérité, je pense pas que j'aimais particulièrement courir. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvé là-dedans, en vérité, quoi. Ouais. Et toi, Emir, qu'est-ce qui a fait que tu as pas trop aimé être en club? Je pense que c'était juste de l'affinité. Je crois que depuis cet âge-là, la discipline, le fait de se retrouver tous les soirs à faire les gammes, les exercices, ouais, et les trucs comme ça, je pense que dès cet âge-là, je sais pas, je vais dans les entre 10 et 13, je crois, je sais plus où j'étais exactement, mais ouais, c'est ce truc répéter des exercices qui font un peu mal le soir dans une piste où tu te les gèles, enfin. Ouais, je pense que les sensations que j'avais, elles étaient pas terribles. Et j'y allais vraiment parce qu'il y avait mon frère qui m'avait traîné là-bas et qui, lui, voyait un intérêt. Quand j'ai recommencé à courir, j'ai retenté un petit peu les plans d'entraînement parce que je me suis dit, voilà, peut-être que j'allais réussir à en retirer quelque chose. Donc j'ai voulu réinjecter de la méthode. Et lorsque, voilà, en recommençant à courir, j'ai essayé de réinjecter de la méthode en téléchargeant des plans d'entraînement, en achetant un petit cardio fréquence mètre pour arriver à suivre les codes, etc. Bah, je me suis aperçu au bout de seulement quelques séances que j'étais un foutu d'avoir cette discipline, en fait. Donc, je pense que je suis vraiment, vraiment pas câblé pour ça à cause de cette notion de discipline, ouais. Après, tu peux, enfin, moi, personnellement, je suis pas en club, mais je me fais des plans d'entraînement, donc c'est pas obligé d'être en club pour avoir une discipline. Peut-être, ouais. Mais du coup, je pense que si t'es en club, il te faut de la discipline. Oui, ouais, par contre, ça, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui était enseigné en club, quoi? De la façon de l'enseigner, ce qu'on enseigne. Quand j'y étais et je voyais toute la variété des disciplines en athlé, j'avais un peu, enfin ça m'effrayait un peu. Avec le recul, je me dis que ça pouvait être cool quand même d'essayer un peu tout ça, quoi, du lancer, du saut, de la course, de la vitesse, de l'endurance, tout. Ce que je ne voyais pas à l'époque. Donc je trouve que enseigner différentes disciplines, ça aurait pu, enfin ça peut ouvrir l'esprit. En plus de ça, j'aime bien aussi parfois le côté cadré, le truc, le principe selon lequel tu t'y vas, tu y es, tu fais, et donc quelque part, quand tu arrives à avoir cette discipline que n'a pas forcément eu Émir, quand tu arrives à avoir cette discipline, ça te tire vers le haut si tu as envie d'être tiré vers le haut, bien sûr. Donc, ça, c'est un avantage que je vois dans ce qui est enseigné en club. Après, il y a la performance en elle-même, et je sais, parce que j'en parle souvent avec des gens autour de moi, je sais que pour la majorité des gens qui sont partis en club dans mon entourage, ont progressé, quoi. Et du fait que là que tu as ton bon ça c'est tout récent en même temps qu'il est en club ton petit enfin ton fils et que tu fais de la course à pied, est-ce que tu as des choses qui te choquent ou qui te après je sais pas si tu assistes à tous ces entraînements. Alors il y a un truc aussi qui me... J'ai inscrit mon fils à l'athlétisme, en espérant que ça ne devienne pas un athlétos. Je lui ai expliqué ce que c'est que les valeurs du Spiridon. Je vais lui faire lire toutes les revues. Bref. Et ça me commence mal, il a déjà fait podium, j'ai vu, hein. Tu nous l'as dit, hein. Tu l'as Ouais. Alors montré. en fait, ce qui se passe, c'est que quand je le prends avec moi pour courir, parce qu'il me tanne tout le temps, quoi, pour ça. Oh, c'est chouette. Ouais. En fait, je sais pas vraiment ce que je peux lui, enfin, ce que je peux lui proposer. Et du coup, d'être dans un club avec des gens qui sont un peu normalement formés pour ça, et en plus, pour le coup, les clubs que je connais sont plus structurés que des clubs de foot, par exemple. Ça me rassure, quoi, parce que moi, je sais pas du tout si je peux le prendre pour 800 mètres, et puis après, on rentre à la maison, ou si je peux le prendre pour 1, 2, 3, 4 km. C'est Et la si je sécurité aussi l'écoutais, que tu cherches c'est la quand même. sécurité, ouais, carrément. Parce que si je l'écoutais, il ferait plus, quoi. Donc, et quand je le vois en club, parce que j'assiste aux entraînements, et je crie, je gueule, enfin, je suis toujours inquiet, quoi. Je me dis, mais il donne beaucoup, là, il est dans le rouge, est-ce que c'est pas dangereux pour son petit cœur et tout? Mais bon, voilà, ça a pas l'air de perturber les entraîneurs, et puis ça se passe bien pour l'instant. Du coup, on est passé voir le médecin aussi pour l'autoriser, pour lui faire obtenir un Le certificat fameux médical. certificat médical, ouais. Ouais, et Ils le puis font et avec, puis d'ailleurs, ils le font avec attention ou pas là quand même pour ce genre, pour les enfants. ouais, carrément. Enfin, en tout cas, le médecin que j'ai vu, il a fait très attention. Mais du coup, pour moi, le côté sécurité Ouais, c'est un bon point m'intéressait ça. bien. Et c'est vrai que ta question initiale, je m'en souviens plus tellement bien, tu vois, C'est mais pour ça aussi, il y avait des choses qui te, toi, en tant que parent et coureur, en fait, est-ce que tu as ouais. des choses qui te choquent ou pas, ou dans le bon sens, hein, de ce qui est appris par les gars des clubs, quoi. Non, mais ce que j'aime bien aussi, c'est que on lui laisse souvent le choix. Par exemple, on lui dit, tu dois dans ta catégorie, tu dois remplir un contrat endurance. On te laisse le choix entre tu choisis, quoi, 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 14 minutes, 16 minutes, et puis tu vas faire de l'endurance et tu vas essayer de tu vas essayer de remplir ton contrat. Mais c'est aussi pour ça, enfin voilà, je voulais l'inscrire parce que je voulais que ce soit cadré, que ce ne soit plus je ne sois plus le que ça ne dépende plus que de moi. Ouais, je comprends. Et pour avoir un avis extérieur, etc. Et Emir, tu parlais de discipline. Tu disais, bon, c'est ce qui t'a un peu refroidi par rapport au club. Mais d'un autre côté, on pourrait voir ça aussi comme se dire. Je me souviens que c'est d'ailleurs Jean-Baptiste qui nous avait dit ça. Le fait que finalement, tu donnes ton entraînement à quelqu'un d'autre et toi, t'as pas besoin de réfléchir, quoi. Tu viens et tu fais Oui, l'entraînement, quoi. complètement. Mais ça, tu vois, je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour les athlètes qui ont des objectifs de performance, encore une fois, Dans le sens où ouais. eux ont envie de progresser. Déjà de progresser, mais aussi bon, leurs aspirations, c'est plus d'assurer que la progression va se faire en externalisant la réflexion qui est nécessaire pour construire le programme. C'est-à-dire ils veulent mettre ça entre les mains de quelqu'un qui va leur garantir que s'ils exécutent ça, ils arriveront à leur objectif. C'est une approche qui est quand même totalement différente d'un coureur au feeling qui veut juste être content dans l'instant, en fait. Parce que personnellement, c'est plus ça qui m'intéresse. Moi, là, quand je sors faire une sortie de course à pied, j'ai envie d'être content à l'instant T. C'est vraiment ça qui me drive. D'où le fait que... Il n'y a pas de plan. Et, quoique, même, tu vois, si je sors et que je dis, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de taper dedans, bah, c'est parce qu'aujourd'hui, j'aurais envie de taper dedans. S'il y a écrit quelque chose de différent sur la feuille, eh ben, c'est pas grave, je le ferai pas. Enfin, tu vois, j'arrive pas à me dire, vu que j'ai pas les objectifs d'un athlète, comme ce que disait JB, bah, moi, je vois pas le sens de faire une séance si elle m'intéresse pas. Le jour J. Ouais. Puis, vu que je change d'avis, 10 000 fois par semaine sur ce que j'ai envie de faire ou pas faire. Si je prévois ce que je veux faire dans 6 semaines, je suis perdu, moi. C'est tombé. Ok. Et du coup, est-ce que vous recommanderiez à d'autres personnes de s'inscrire en club ? Ça va dépendre finalement des personnes. C'est complètement quoi. Je le recommanderais au cas par cas. Si je vois une personne et que je la vois un petit peu, je vois son approche, je vois ses objectifs, ses aspirations, qu'est-ce qu'elle recherche finalement dans sa pratique de la course, ça serait un jugé direct. Est-ce que t'es fait pour un club, est-ce que t'es pas fait pour un club. On s'est dit, il y a certains prérequis et certaines aspirations qui matchent avec des clubs et certains prérequis et aspirations qui marchent pas avec les clubs, en fait. Ça dépend des clubs. Ouais, donc non, trop de variables pour en faire une règle. Ouais. David ? Est-ce qu'on conseille aux gens de prendre une carte à l'UMP ? La réponse est non. Non, quoi. Non, mais moi je l'ai fait souvent, alors que je suis pas très porté club à la base. Ouais. Mais si je l'ai fait, c'est parce que souvent les gens qui posaient la question, tu sentais que chez eux il y avait une volonté de le faire, quoi, de franchir le pas. Mm-hmm. T'as envie, vas-y, et teste, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Si c'est ce que tu penses qui est bon pour toi, vas-y, après, il sera jamais trop tard de faire marche arrière, quoi. Exactement. Ça coûte rien d'essayer et puis voir si ça nous convient ou pas, quoi. Mais souvent, les retours que j'ai sont positifs en vérité. Hein. Ah ouais. Bon. Je vois. En tout cas, à court ou moyen terme. Après, sur le long terme, on change, on a d'autres aspirations. Exactement. Et du coup, bon, Emir, t'as pas d'enfants, mais si t'avais des enfants, tu penses que t'aimerais qu'ils soient en club ou pas ? Je pense que c'est le moyen le plus évident pour les mettre pour leur faire du mal. C'est ça, pour qu'ils se calment, quoi. Tu vois, qu'ils comprennent c'est qui le patron. Non, c'est le moyen le plus évident pour leur faire découvrir un sport qui me tient à cœur, sans que j'ai forcément à apprendre moi-même Enfin, en externalisant finalement ce rôle pédagogique que je suis pas sûr de savoir tenir sur le... Comme un peu comme ce que dit David, finalement. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Voilà. Oui, donc j'aurais... Mais externaliser, c'est classe comme terme. Ouais, c'est bien dit. C'est ça. Dans mon travail, on aime bien dire ça. Dans le mien aussi. Ouais, c'est bon. Ouais. Mais moi, j'aime pas trop. Mais bon. T'aimes pas trop. C'est une autre question. Bon. C'est vrai. Bon, en tout cas, nous, on va créer un club Jogging Bonito, non ? Ouais, puis est-ce qu'on l'affiliera à la FFA ? Non, mais t'es ouf ou quoi ? Franchement. T'es monté à la tête, toi, l'athlétisme. Ouais, mais franchement, j'ai jamais exclu de faire partie d'un club d'athlétisme un jour. Hein, tu vois, c'est vrai, dans ma ville, il y a une petite asso qui est affiliée. Franchement, c'est loin d'être une sorte de club d'athlétisme type olympique, là, avec le respect de toutes les disciplines, machin. Enfin bon, l'apprentissage très très puristes, quoi. Ils sont plutôt cool, tranquilles. On se met les gilets jaunes, on va faire un tour dans la ville le soir, on court tranquille. Et je veux dire, je m'y retrouverais très bien. Donc, j'exclus pas de faire ça, mais il y aurait pas d'histoire d'interclub, de cross, pas de compétition aux couleurs du club non plus, quoi. Ah. Le but, ce serait juste d'échanger. Mais ça dépend des clubs, finalement, tout ça. Oui, quoi. Ouais, carrément, quoi. Ouais. Mais bon... Ouais, moi, je rigole, mais en vrai, je pense que moi, je serais trop, trop contente d'être dans un club. Hein. Je serais à donf, moi, en vrai. Ouais, parce que c'est aussi un lieu social, quoi. Et ça fait toujours plaisir de pratiquer une passion ou une activité qu'on aime à plusieurs. Voilà. Ouais. Ouh, c'est beau. Je vais te laisser la conclusion, elle est belle comme ça. C'est la conclusion de ta chronique. Ok. Bam. Bah c'est bien, je préfère cette conclusion-là, on reste en vie à la fin. Ouais, c'est mieux, c'est clair. On reste en vie, mais bon, on va quand même se quitter, quoi, parce que c'est la fin de l'épisode, là, maintenant. Ok. Je suis désolée de vous l'apprendre, les gars. C'est vite passé, aujourd'hui. Ouais. On a bien rigolé. Bon, en tout cas, moi, j'étais contente de vous retrouver, on a bien rigolé, c'est clair, quoi. Surtout hors antenne, peut-être. J'espère que... c'est vrai que... Ah, on sait pas encore. Bon, j'espère que les bonitos vont rigoler aussi. Ouais, au pire, de toute façon, on leur mettra un petit. Je sais pas si on leur mettra pas un mini best-of, un truc avec quelques réactions. À la fin, peut-être. Ouais. Ça vaut peut-être le coup, parce que c'est vrai que cet enregistrement de chronique a été laborieux. Ouais, il était particulier. Non, pas laborieux, c'était. Il était pas désagréable pour ma part, mais c'était compliqué. Non, c'était rigolo. Et on peut dire aussi aux auditeurs d'écouter le. S'ils n'ont pas déjà fait, le best-of qu'on a sorti le mois dernier. Ah, tout à fait, exactement, ouais, c'est vrai. Si vous ne l'avez pas vu passer, les bonitos, on peut remercier d'ailleurs David qui a compilé 19 épisodes pour y arriver, donc 18 épisodes. Bravo, d'ailleurs. Ouais. Non, 19, hein. 19. Non, 19, parce qu'il y avait un pilote. 19 épisodes, ce qui fait combien d'heures, mardi, tu nous l'avais dit dans une précédente chronique sur... Je ne l'ai pas sous les yeux, mais ça en fait. On laisse tomber les données, de toute façon. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, les bonitos, on espère que vous allez venir nous raconter vos projets pour l'automne sur notre groupe de discussion sur Discord. On vous remettra d'ailleurs le lien vers ce groupe en description de cet épisode. Venez nous dire si vous préférez courir sur route ou sur trail, ou aucun des deux, hein, c'est pas grave, on vous aime tout. Ce qui vous a étonné, moi j'aimerais bien vraiment savoir, ce qui a étonné, les étonnements des gens du passage de l'un à l'autre, ça m'intéresse beaucoup. Exactement, et surtout, venez créer un groupe d'athlétos avec David, il en sera ravi. Enfin, si vous appréciez ce podcast, faites-nous le savoir par l'intermédiaire de 5 petites étoiles agrémentées d'un commentaire sur iTunes. Ça serait dommage que notre poteau de course à pied rate Jogging Bonito quand même, hein. Alors faisons partager. Sur ce... Je te raconte pas. Émir, David, on se dit à très bientôt. Ouais, avec plaisir. À très bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao. Ouais, et comme dirait l'autre, merci pour ce moment. Plus les cactus. Sur mon fauteuil en rotin, en train de siroter un athlon bien frais apporté par ma femme Molly, je lis les dernières nouvelles dans mon journal. Xavier Thévenard a braqué une banque. Rémi NFKB s'est mis à la gonflette et a rouvert son compte Instagram. Guren Vegan a été pris en otage par des véganes. Greg... Je suis désolé, celle-là elle est tellement énorme, merde. Pardon. À partir de ta femme Molly, moi j'ai. J'ai perdu. Non. Il est perdu. Pardon. Ah, je tremble bien. Le téléphone sonne, c'est Cody. Cody, c'est le capot de notre équipe de running. une pourriture de contrebandier en cavale depuis qu'il a été condamné pour fraude de certificat médical. Je suis convoqué. Ah merde, j'aurais dû couper mon micro. J'aurais dû couper mon micro pour pas te perturber. Ah, c'est relou. Molly sort de la douche après sa séance de Freeletics et demande « Hé, gros doudou, c'était pour moi ?» C'est quoi ce truc ? Parfait. Parfait, c'est merveilleux. Elle était trop bien, Molly. Putain, Molly, cette poissonnière, quoi. C'était tellement stylé. Oh là là. Alors j'enfile mon pire maillot de finisher en coton. Une veste mal taillée remportée dans un mode B. Je retire la médaille du... Attends. Il sait pas se contrôler, c'est trop bon. Non mais attends, moi je l'ai pas lu, moi. Ça me tombe dessus comme ça, là. Le truc m'arrive dessus. Je suis désolé, c'est pas possible. Moi, faut que je coupe mon micro, je peux pas. Surtout si c'est Jimmy, après tout ce que j'ai fait pour lui. Combien de fois j'ai reçu chez moi dans ma maison. Je lui ai même cuisiné. Ah, mais je sais plus parler, c'est pas possible. Le gâteau sport, quoi. Ouais. Cuisiner. Cuisiner. Le gâteau sport. De l'eau. Oui. C'est énorme. Merde, pardon.